longtemps considérées comme de simples intermédiaires entre l'ADN et les protéines, l'ARN a fait l'objet d'un grand regain d'intérêt ces dernières années. D'une part, il n'y a pas qu'un seul type d'ARN, et la biologie cellulaire s'intéresse de très près à des brins particuliers, l'ARN interférent, des petits bouts d'ARN qui se baladent dans nos cellules et qui s'avèrent très compétents pour inhiber temporairement certains gènes. Les applications thérapeutiques sont légion, tant dans la lutte contre le cancer que dans l'inhibition des mécaniques virales, avec à terme la promesse d'une nouvelle médecine qui, pour l'heure, est encore limitée par ses coûts exorbitants. ARN interférent, la recherche désinhibée, c'est le programme cellulaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces nouvelles pistes thérapeutiques qui sont, et ce n'est pas galvaudé, assez vertigineuses, tellement elles ouvrent de nouveaux horizons de soins, mais on parlera aussi énormément de recherche fondamentale, puisque comme toujours, l'un ne va pas sans l'autre. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Annie Carrel-Bellan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche émérite CNRS à l'I2BC, qui est l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Gif-sur-Yvette. Et Florence Cabon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse et directrice scientifique de la société de biotechnologie Cellexcel. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct sur France Culture, en réécoute via franceculture.fr, en podcast sur votre application favorite, mais comme chaque jour en complément sur notre fil Twitter où nous avons posté tout au long de l'heure un certain nombre de liens vers des articles, de schémas qui vont vous aider à réviser un peu votre biologie cellulaire si elle est un peu lointaine pour vous. Et voilà, ceci étant dit, il faut vous abonner donc au compte hâte la méthode FC. Ceci étant dit, l'ADN donc a longtemps, c'est vrai, été la star de la biologie cellulaire depuis sa découverte à la fin du 19e siècle jusqu'au séquençage complet du génome humain au début du 21e siècle. Et pourtant, eh bien, il y a une quarantaine d'années, on commence à s'intéresser un peu plus à l'autre acide cellulaire, le ribonucléique, l'ARN. Écoutez cette archive issue de la grande aventure des sciences modernes sur France Culture. Nous sommes en novembre 1974. On s'est aperçu que certains virus à ARN, qui infectent des cellules animales, peuvent avoir une copie ADN. Et ceci résout un paradoxe, c'est qu'il existe une série de virus dits virus oncogènes, c'est-à-dire des virus qui, quand ils infectent les cellules, donnent ce qu'on appelle une transformation cancéreuse, c'est-à-dire que les cellules vont se multiplier de manière plus ou moins anarchique. Elles prolifèrent anarchiquement. Elles prolifèrent anarchiquement. Et on peut montrer qu'elles ont acquis une propriété génétique à partir d'un virus à ARN. Alors ceci était difficile à comprendre tant qu'on n'a pas découvert que... Si c'était des virus à ADN, on dirait ça va. Ils se sont intégrés dans le génome, il n'y a pas de problème. Oui. Mais ça a été paradoxal pendant longtemps car c'était des virus à ARN et en principe l'ARN n'est pas le constituant des chromosomes des cellules d'animaux supérieurs. Donc ça posait un problème qui a été résolu quand on a découvert des enzymes qui permettent de faire une transcription ADN de cet ARN, c'est-à-dire de remonter, si on accepte ce sens, mais c'est ce qu'on appelle la transcription reverse, c'est traduire de l'allemand en anglais au lieu d'anglais en allemand, en fait. Voilà la thèse ou la version, qui fait la thèse, qui fait la version. Une réaction à cette archive, Annie Carrel-Bellan. On n'est pas encore tout à fait dans les ARN régulateurs. Hein. Pas du tout. Voilà. Ça arrive plus tard, dans les années 90, on va y venir. Oui, oui. Donc là, c'est bon, les virus ARN étaient connus. Hein. Donc, on ne comprenait pas effectivement comment ça se transmettait. Et effectivement, DNA polymérase RNA dépendante a expliqué effectivement cet aspect-là. Mais on n'est pas encore dans, l'âge noble de l'ARN. Il reste encore un peu secondaire. Sur justement, effectivement, cette primauté faite à l'ADN pendant plus d'un siècle avant qu'on redécouvre les intérêts et puis surtout la diversité, comme on va l'expliquer dans quelques instants, Florence Cabon, de l'ARN, l'importance. En fait, je pense que pendant des années, surtout, on a vu l'ARN comme étant simplement une copie de l'ADN qui servait à fabriquer les protéines sans endommager du tout l'ADN. Donc c'était un intermédiaire transitoire, appelé à être dégradé assez rapidement et sans grande fonction. Et c'est tellement vrai que pendant des années, quand on a commencé avec le clonage et essayer d'identifier les séquences, à voir comment on travaillait, on éliminait même carrément de nos expériences les petits ARN en considérant que c'était des produits de dégradation ou des contaminants sans grand intérêt. Les seuls ARN non codants qui étaient vraiment connus étant les acides, enfin les ce qu'on avait dans les ribosomes ou dans les ARN de transfert, mais guère plus que cela. C'est-à-dire la machine la machinerie de fabrication des protéines. Voilà, que ça. Alors, on va reprendre les choses depuis le début, ARN, ADN, il n'y a pas qu'une seule lettre qui change, c'est beaucoup de choses qui changent avec ce désoxy qui vient sur le ribonucléique, Annika Albélan. C'est quoi la différence ? Et alors la structure chimique donc n'est pas tout à fait la même, hein, comme son nom l'indique, hein, le sucre n'est pas le même. Sinon, disons, l'esprit général est quand même le même, c'est-à-dire que c'est une série de lettres. Voilà, il y a 4 lettres et c'est une suite de lettres. Et avec ces lettres, on forme des mots, 3 par 3. Et c'est cette séquence de lettres, c'est pour ça qu'on parle de séquence, se reproduit sur l'ARN messager lorsqu'il est copié sur l'ADN. Simplement, il y a un changement d'une des lettres, c'est-à-dire que T devient U, donc c'est à nouveau un petit changement chimique. Mais bon, rien de la séquence de lettres est la même. Okay. Et cette séquence de lettres, ensuite, va déterminer la synthèse de protéines. Les protéines, c'est un assemblage de briques. Et chaque mot de 3 lettres fait une brique, correspond à une brique. Disons, porte l'information pour une brique. Donc, de la séquence va dépendre la série de briques. Et de la série de briques, de la séquence des briques, va dépendre la fonction de la protéine dans la cellule. Chaque brique étant un acide aminé. Voilà. Chaque brique étant un acide aminé. Et donc, la fonction, toute l'usine cellulaire qui est faite par les protéines, va dépendre de ces séquences. Chaque séquence correspond, disons, pour être très très schématique, fonction dans la cellule. Mmh. Voilà. Avec une différence majeure aussi, qui est que l'ADN est double brin, donc une structure moléculaire qui est très différente, qu'il est localisé exclusivement dans le noyau, à part les mitochondries, alors que l'ARN, on en trouve dans le noyau, on en trouve dans le cytoplasme, on en trouve aussi dans les mitochondries et dans différents organismes. Donc, c'est plus ubiquitaire dans la cellule, je dirais, et on en trouve sécrété aussi par les cellules, dans des vésicules, dans ce qu'on appelle les vésicules extracellulaires, les EV, et également circulant de façon libre ou associée à des protéines, simplement dans la circulation. Et ça fait très peu de temps qu'on comprend que ce n'est pas juste anecdotique, mais que ça a une réelle fonction, ces ARN. Ce que vous venez de décrire, Annika Albélan, c'est donc la traduction d'ADN en protéines. C'est ce qu'on a cru, c'est le rôle auquel on a cantonné l'ARN pendant très longtemps. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus de fonctions à l'ARN que simplement ce que vous avez décrit, qu'on appelle l'ARN messager. Voilà. Mais donc ça, c'est donc la base du code génétique, voilà. En gros. Hein. Et donc, on pensait que dans ce schéma-là, enfin dans ce qui est l'expression des gènes, l'ARN ne jouait que ce rôle-là de messager. Il reproduisait ce qui était écrit sur l'ADN et il le faisait passer du noyau dans le cytoplasme, c'est-à-dire à l'extérieur le reste du noyau. De la cellule, voilà, où a lieu la traduction. C'était un traducteur, en fait. C'était un traducteur de l'ADN en protéines. C'était un porteur de message, ARN messager, il porte l'information, quoi. Voilà. Alors, il faut quand même dire qu'on savait quand même depuis assez longtemps que la partie codante, donc toute cette information génétique du génome, ne correspond pas à 100% du génome. Loin s'en faut. Loin s'en faut. Et ça dépend des organismes. Chez la bactérie, c'est beaucoup plus en proportion. Mais chez l'homme, par exemple, ça n'est que 3% du génome. Donc on savait quand même qu'il y avait toute cette partie-là qui existait. Ce qu'on appelait l'ADN poubelle pendant longtemps, c'est dire l'intérêt qu'on lui portait. Voilà, c'était l'ADN poubelle. Alors, il y avait toutes sortes de théories. On disait par exemple, ça protège la partie codante parce que quand des rayons UV tombent, ça induit des mutations. Donc elles ont beaucoup plus de chances de tomber dans la partie non codante. Donc voilà, ça sert peut-être à ça. Voilà. Il y avait toutes sortes de théories un peu fumeuses là-dessus. Mais ça, on le savait depuis très longtemps quand même, depuis le moment où on a eu la séquence des premiers... quand on a eu les premières séquences, quoi. Et alors, pourquoi ce lien entre l'ADN non codant, donc 97% de notre patrimoine génétique, et les différentes fonctions de cet ARN qui n'est pas que messager, Florence Cabon ? Comment ça, quel lien Quel est le lien qui est fait par Annie Carel Bellan entre le fait que 97% de l'ADN soit non codant et les ARN qui ne sont pas forcément messagers? Parce que d'abord, on a découvert depuis finalement pas très longtemps qu'il y a plusieurs ARN, plusieurs catégories d'ARN qui sont codées par notre génome, mais qui ne codent pas pour des protéines. Des petits ARN, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais aussi des longs ARN, ce qu'on appelle les longs ARN non codants, long non-coding RNA, qui ont un rôle de régulation. On a commencé à en découvrir de plus en plus, et il y a énormément, c'est un champ aujourd'hui d'études très très important, parce que si eux-mêmes ne codent pas pour une protéine, ils vont vraiment permettre de décider en quelque sorte à quel moment ou quand doit être synthétisée la protéine. Donc on en a maintenant toute une fonction, ça je pense que Annick va en parler probablement beaucoup mieux que moi sur cet aspect-là, mais il y en a effectivement de très très nombreuses classes qui ont été identifiées maintenant. Annie Carel Bellan, justement, sur ces différentes classes. Sur les longs ARN non codants, on commence à connaître assez bien. Alors, sur les petits ou les grands. Surtout. Allez, faites-nous un panorama de cette vaste famille d'ARN différents que l'on a identifiés aujourd'hui. Ça serait bien de commencer par l'historique et qu'est-ce qui a amené finalement à tout ça. Qu'est-ce qui a amené à s'intéresser à l'ARN non codant? D'abord, effectivement, chez la plante, il y a eu la découverte d'un mécanisme qu'on appelait la co-suppression, mais dont on n'expliquait pas bien les raisons. Mais simplement, quand on surexprimait un gène, parfois, au lieu d'avoir une surexpression, on avait une inhibition. On peut donner l'exemple qui est le point un peu de départ, d'ailleurs, vers la longue route qui amène jusqu'à l'ARN interférent et à comprendre ces mécanismes. C'était chez des pétunias. La couleur des pétunias, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, moi, je ne suis pas du tout une spécialiste des plantes, mais grosso modo, on peut avec l'expression d'un certain gène, régler la couleur du pétunia. Les botanistes voulaient renforcer la couleur du pétunia. Ils sont arrivés à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils ont au contraire bleu plus bleu égale blanc. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force de vouloir surexprimer un gène pour exprimer la couleur, ils se retrouvaient avec des pétunias qui étaient blancs ou dépigmentés. Voilà, exactement. Mais on ne comprenait pas du tout le mécanisme derrière ça. Aussi, beaucoup de théories, mais enfin, il n'y a pas de mécanisme. Alors ensuite, il y a eu au début des années 90, enfin dans les années 90, des expériences très importantes faites chez le ver C. elegans. Donc ça, je voudrais qu'on insiste beaucoup sur le fameux nématode dont on a beaucoup parlé à ce micro. Parce que et toute cette découverte de l'ARN interférence, à mon avis, est vraiment significative d'une chose très importante, qui est qu'il faut vraiment soutenir la recherche très fondamentale. On ne le dira assez. Aussi, on a beaucoup dit à ce micro. Parce que je pense que personne n'aurait pu prédire en début des années 90 que ces expériences chez le ver nématode allaient avoir des conséquences très très importantes en matière de cancérologie, en matière de manière générale, en matière de thérapeutique chez l'homme. Je ne pense pas que qui que ce soit aurait pu le prévoir. Donc les premières recherches qui ont été faites, en fait. C'était tout à fait par hasard que ça a été découvert, ces petits ARN, parce que c'était des chercheurs qui travaillaient sur les différentes étapes de développement du ver C. elegans, qui passe d'un stade larvaire à un autre. Et ils ont fait un crible génétique très classique pour essayer de chercher des gènes qui contrôlent ce passage d'un stade larvaire à l'autre. Et ils ont sorti un certain nombre de gènes, comme on sort d'un crible. Et parmi ceux-là, il y avait une protéine. Donc une séquence qui codait pour une protéine. Et puis, ils ont sorti une autre séquence dans laquelle ils n'arrivaient pas à trouver de séquence qui code pour une protéine. En fait, on dit qu'il n'y a pas de cadre ouvert de lecture, parce qu'on arrête la traduction avec certains codons. Et donc, s'il n'y a pas un certain nombre, une séquence assez grande avec un codon stop à la fin pour faire une protéine, bien, il n'y a pas de cadre ouvert de lecture. Et donc, ils se sont demandé, mais que se passe-t-il? Et ils se sont rendus compte, en fait, que cette séquence-là contrôlait la séquence de la protéine, c'est-à-dire qu'on contrôlait l'expression de la protéine. Donc, ils avaient une protéine et une séquence qui contrôlait sa séquence. Ils se sont dit, peut-être que cet ARN, en fait, est complémentaire de l'ARN de la protéine. De l'ARN messager. Qu'on a Donc, on a ce qu'on appelle le base pairing. A avec T, G avec C. C'est les paires de nucléotides qui peuvent se former, qui se forment dans l'ADN, puisque comme Florence l'a dit, l'ADN est double brin, c'est grâce à ça. Mais ça peut se faire aussi entre deux ARN. Ce qu'on appelle un ARN antisens à ce moment-là. Donc ils ont cherché un ARN antisens. Ils n'ont pas trouvé, mais ils ont trouvé juste une petite séquence de 25 qui n'était même pas complètement. De 25 nucléotides. Voilà. Donc 25 lettres qui n'étaient même pas complètement complémentaires des 25 correspondants dans l'ARN messager. Et pourtant, quand ils exprimaient ce petit bout-là, ils inhibaient la protéine. Donc là, ça a été quand même finalement la découverte princeps du rôle régulateur du petit ARN. Et qui va conduire d'ailleurs un prix Nobel en 2006. Non, malheureusement, ce n'est pas... C'est Victor Ambros qui a fait cette découverte. Je pensais que c'était les travaux de Fayer, Mello et... Oui, et non. D'accord. Et non. Non, malheureusement, lui, il n'a pas eu le prix Nobel. Florence Cabon, alors justement, à partir de ces travaux sur C. elegans, comment est-ce que... On commence à identifier effectivement ces mécanismes qui sont des mécanismes, comme vient de l'expliquer brillamment Annika Albelland, d'inhibition d'une protéine. C'est-à-dire que c'est pas à un moment donné sur l'ADN ou sur l'ARN un codon stop qui dit maintenant on arrête, c'est un petit bout d'ARN qui va dire paf, on ne fabrique plus. Alors on est revenu pas mal sur les plantes aussi à cette époque-là et sur d'autres organismes plus simples, des organismes multicellulaires ou unicellulaires un peu compliqués pour essayer de comprendre vraiment le mécanisme qui était derrière et pour se rendre compte du rôle de ces ARN. Et on est assez rapidement arrivé à la compréhension que c'était d'abord un mécanisme qui était extrêmement répandu entre les plantes, les nématodes, les cellules de plantes, les cellules de mammifères, donc que c'était certainement quelque chose de très important pour que ce soit un mécanisme conservé. Ça, c'était un point important, par l'évolution. Et puis ensuite, on s'est rendu compte, en étudiant beaucoup les plantes, on a appris énormément sur les ARN interférents à partir des plantes, pour comprendre ce qui s'était passé avec le fameux pétunia bleu, mais pas seulement. Et ce qui est ressorti de tout cela, c'est que c'est un mécanisme que des organismes ont développé, par exemple, pour lutter contre des infections virales. En se disant, une cellule qui se retrouve confrontée avec un génome étranger qui rentre, qui l'attaque d'une certaine façon, doit pouvoir se défendre. Donc ça a été identifié chez différentes espèces et on butait sur le fait que dans les cellules de mammifères, à chaque fois qu'on essayait de rentrer un ARN d'une certaine taille, on avait une réponse interféron et que finalement, on ne voyait jamais cette interférence ARN. C'est-à-dire que pour préciser ce que vous dites, quand on essayait justement de fabriquer cet ARN interféron pour forcer à l'inhibition de certaines protéines... Alors au départ, on pensait à des ARN plus longs, voilà. Dans les cellules de mammifères notamment, mais on n'y arrivait pas. On avait une réponse qui était totalement non spécifique surtout. Et je dirais que le pivot qui a été fait en 2001, c'est un article de Thomas Tuchel dans Nature, qui est paru en mai 2001, dans lequel ils ont montré qu'on pouvait provoquer de l'ARN interférence, donc le même mécanisme que ce que Annick a décrit chez C. elegans, mais au lieu d'introduire une longue séquence d'ARN, on introduisait un petit ARN qui cette fois-ci était synthétisé. Et ça a été d'une vraiment, vingtaine de nucléotides. La taille, en fait, était très importante et la petite taille était très importante. Tout à fait. Et ça a permis de mettre la main sur les mécanismes qui ont montré que dans la cellule, on a une protéine qu'on appelle l'éminceuse, dicer, qui coupe des ARN à une taille donnée. Alors la taille varie légèrement d'une espèce à l'autre, mais on est toujours dans un ordre de taille entre 19 et 20, 25 nucléotides. Vas-y. Oui, je dirais que là aussi, le ver nématode, c'est pas que je suis monomaniaque, je n'ai jamais travaillé sur ce ver en plus, mais que le ver nématode a été très très très important, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Andrew Fayer et Craig Mello ont eu le prix Nobel. C'est parce que c'est dans ce ver qu'ils ont montré justement l'existence de cette enzyme dicer. Dicer, c'est l'éminceuse. Et en fait, c'est aussi très intéressant la manière dont ils ont montré ça, parce que c'est aussi une découverte qui a été faite par hasard, si je peux prendre un peu de temps pour ça. Bien sûr, allez-y. Ils utilisaient des ARN antisens, donc c'est ce que j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est-à-dire des ARN complémentaires, des longs ARN complémentaires pour inhiber un gène, donc c'est ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Et ils ont voulu faire un contrôle, donc ils avaient leur ARN antisens pour inhiber leur ARN messager visé. Et puis ils ont voulu faire un contrôle où ils introduisaient dans les cellules de nématodes l'ARN antisens et l'ARN sens, en se disant l'ARN sens va bloquer l'ARN antisens et je n'inhiberai pas. Et c'est là qu'ils ont eu la meilleure inhibition. Et là, ils ont commencé à dire il y a un problème. Donc, c'est de l'ARN double brin qui fait quelque chose. Et c'est là qu'ils ont été recherchés, les petits ARN par homologie aux travaux de Victor Ambrose, qui les ont montrés, qu'ils ont montré l'existence de Dicer, et qu'ils ont en fait décomposé le mécanisme. Et c'est ça qui leur a donné le prix Nobel. C'est ça qui a donné le fameux prix Nobel de 2006 pour justement la description de ce mécanisme d'interférence induit par ARN double brin. Alors justement, ce qui est intéressant, Florence Cabon, c'est de comprendre, on parlait tout à l'heure d'ADN poubelle, d'ARN poubelle aussi du coup par extension. Comment est-ce qu'ils sont créés ces petits morceaux d'ARN interférents? D'où ils viennent? Parce qu'on a longtemps cru que c'était des déchets, comme vous le disiez, des déchets de l'ARN ou des déchets de l'ARN messager qui servaient à rien. Ils viennent d'où? En fait, ils viennent de notre génome. Les gènes qui codent pour ce qu'on appelle maintenant des micro-ARN. Alors on distingue dans les ARN interférents, juste rapidement. On va y venir tout à l'heure ou maintenant, si vous voulez, allez-y. On va y aller. On distingue les siRNA qui, schématiquement, hein, c'est pas short tout interfering. À fait vrai, short interfering sont synthétiques. C'est-à-dire qu'en pratique, ce sont des outils que nous synthétisons et que nous faisons rentrer dans les cellules pour différentes fonctions, pour les étudier souvent. Des micro-RNA qui, eux, sont codés par le génome sous forme d'un ARN qui a, il forme des épingles à cheveux. C'est-à-dire que cet ARN se structure pour faire des sortes de boucles avec des régions qui sont double brin. Et donc, la façon de décortiquer ce mécanisme d'ARN interférence a montré qu'il y avait plusieurs enzymes qui interviennent dans la maturation de cet ARN qui peut comprendre de nombreuses séquences de micro-RNA les uns derrière les autres. Donc on a comme un cheveu avec plein d'épingles dessus en quelque sorte, et puis elles vont être coupées par une enzyme spécifique, puis les petits ARN double brin qui vont être ainsi générés vont être exportés dans le cytoplasme, pris en charge par d'autres enzymes, et c'est cela qui va conduire au mécanisme d'ARN d'interférence, c'est-à-dire que cet ARN double brin va être ouvert et un des deux brins... L'épingle à cheveux va être ouvert et un des deux brins va en fait scanner les ARN qui sont présents dans la cellule, et quand il y a une homologie, totale ou partielle, c'est la différence un peu entre les micro-RNA et les siRNA, quand il y a cette homologie, ça va avoir différentes actions. Soit ça va empêcher la synthèse de la protéine, simplement par un mécanisme de blocage, on peut voir ça schématiquement comme en se mettant à la place, quoi. On met un bloc au milieu, soit couper cet ARN. Oui. J'ajouterais que le petit ARN, en fait, il agit à travers des protéines, parce que c'est les protéines quand même qui font tout dans la cellule. Comme toujours. et donc, en fait, le petit ARN, qu'il soit micro-ARN ou qu'il soit siRN, va guider un complexe de protéines dans lequel il y a une protéine très célèbre en matière d'ARN interférence qui s'appelle argonaute. Et qui, alors ensuite, va avoir différents effets, comme le disait Florence, soit bloqué, alors... par un mécanisme qui n'est pas encore complètement défini. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de grosses controverses dans le milieu pour savoir si c'est en bloquant l'initiation de la traduction, l'élongation de la traduction, en bloquant... Enfin bon, il y a toutes sortes de... En induisant la dégradation accélérée par le mécanisme normal de l'ARN messager ou... toutes sortes de théories. Mais enfin, c'est quand même en guidant des protéines... Qui ne sont d'ailleurs peut-être pas exclusives les unes des autres. Oui, absolument, qui ne sont pas exclusives d'ailleurs, très sûrement. Et qui coexistent sûrement. Mais donc, c'est quand même en guidant des protéines que ces petits ARN vont agir. Quoi. Et du coup, maintenant, on arrive à cette publication que vous notiez dans Nature en 2001. Aujourd'hui, on comprend bien maintenant ces mécanismes. Pourquoi est-ce que c'est... Et alors, on parle souvent de révolution biomédicale, c'est souvent d'ailleurs un peu abusif, mais là, en l'occurrence, ça ouvre vraiment à un niveau de compréhension des mécanismes d'inhibition cellulaire, et on en parlera tout à l'heure, d'un certain nombre d'applications thérapeutiques, qui est effectivement strictement vertigineux. Pourquoi est-ce que c'est si important, la compréhension fine de ce mécanisme d'interférométrie par ARN? D'abord parce que chercheur un jour, chercheur toujours, et que quand on tombe sur un mécanisme qui est aussi conservé entre toutes les espèces, on a évidemment envie de comprendre très finement ce qui se passe, ne serait-ce que parce que si un jour on veut l'utiliser, il faut connaître aussi ses limites, sa puissance, etc. Je dirais que c'est apparu très très vite vraiment comme une révolution à plein d'égards. Le premier égard, c'était déjà en tant que chercheur, on s'est dit là on a un outil absolument extraordinaire pour comprendre quand on a un gène dans une cellule, mais à quoi sert-il? Et une des façons les plus simples, c'est de dire si je l'empêche d'être là, Que devient la cellule? Que devient cette cellule? Alors, on faisait ça avant à l'échelle de la souris, en faisant des inhibitions de gènes et tout ce qui est très lourd. Là, on a eu d'emblée un outil. C'était un peu comme un anticorps, quoi. Aussi simple à utiliser qu'un anticorps. C'était remarquable. Et quelque chose d'important, contrairement à de la modification et de l'édition génomique, là, on n'édite pas, on ne touche pas au génome. C'est-à-dire qu'on peut inhiber partiellement, temporairement, l'expression d'un gène pendant X temps, pendant le temps qu'on veut, une semaine, quelques jours, et puis ensuite le gène se réexprime. Donc on voit la puissance d'application tout de suite que ça. Donc ça c'est apparu mais immédiatement ouvre à tout le monde. Et l'autre chose qui est apparue aussi immédiatement, c'est dans l'homme est soumis à des agressions, je vous ai dit par exemple des agressions virales, et on s'est dit mais c'est fantastique, si on peut cibler avec un petit ARN interférent le virus, le génome d'un virus ou le génome d'une cellule malade parce qu'il y a un gène qui devenu fou, qui est muté ou autre, on a un outil potentiellement qui va nous permettre de traiter un nombre de maladies absolument extraordinaires sans, et c'est ce qui est particulièrement important, sans s'occuper de savoir où est exprimée la protéine qui est codée par ce gène. On n'a pas besoin de savoir, elle n'a pas besoin d'être sécrétée ou présente à la membrane comme on le ferait avec un anticorps, ni même de connaître sa fonction. On n'a pas besoin que ce soit une enzyme ni quoi que ce soit. On a juste besoin de connaître la séquence du gène et de l'ARN qui est codé, transcrit à partir de ce gène. Donc là, un outil potentiellement. Et ensuite, de faire entrer les ARN dans la cellule. Et ça, c'est un autre problème. C'est une autre aventure. Peut-être un dernier mot pour conclure cette première partie, Annie Carrel-Bellan. Un mot, puisque Florence Cabon l'évoquait tout à l'heure, on estime aujourd'hui que ces mécanismes d'ARN interférents étaient là pour protéger notre amant contre les agressions virales. Comment ça? Quel est le mécanisme qui fait que ces ARN interférents permettent justement d'empêcher de l'ADN viral finalement de s'introduire et d'utiliser les mécanismes de la cellule pour faire sa propre usine à protéines? Alors ça d'abord, c'est surtout vrai chez la plante, cette protection antivirale. Et c'est très simple, puisque en fait, vous allez pouvoir appliquer un mécanisme de type ARN interférence chaque fois que vous aurez un ARN messager qui porte une séquence différente de celle de la cellule. Donc elle va attaquer quelque chose qu'elle va reconnaître comme étranger, puisque ce n'est pas dans ses séquences à elle. Donc effectivement, l'ARN interférence pour une application antivirale, c'est absolument idéal, entre guillemets. La nature a très bien fait les choses. Cela dit, ce n'est pas du tout le cas dans les cellules de mammifères. Et en fait, les petits ARN naturels dans les cellules de mammifères, c'est-à-dire les micro-ARN, sont surtout impliqués dans les mécanismes de développement, régulation, de contrôle, de la prolifération, de la différenciation et plus généralement de la biologie de la cellule. Ouais. Ils sont impliqués dans, disons, le contrôle fin de l'expression des gènes. Voilà. There's no structure. Did I learn anything today? If I didn't. Brain Cells de Maximo Park sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons, entre autres, on va en parler justement dans quelques minutes, dans les applications thérapeutiques de cet ARN interférent, de ces cellules du cerveau, des neurones notamment. On parle d'ARN interférent, donc en tout cas tout au long de cette heure, en compagnie d'Annick Harel-Bellan, qui est directrice de recherche sémérite CNRS à l'I2BC pour l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Gif-sur-Yvette, et avec Florence Cabon, qui est directrice de recherche INSERM au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse et directrice scientifique de la société de biotechnologie Cellexcel. Mais comme tous les jours, à mi-parcours de l'émission, le mercredi, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Voilà, toutes les semaines, un doctorant vient nous présenter ses travaux de recherche. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Valentin Guyot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en première année de thèse à Supagro Montpellier, d'où vous êtes en duplex. On salue les camarades de France Bleu Hérault. Les mécanismes de défense de la plante basés sur les petits ARN interférents dirigés contre le virus du bananier modifient-ils le comportement du puceron vecteur du virus? C'est le titre de vos travaux. On vous écoute les présenter. Donc, merci à vous. Alors, ma thèse, elle est centrée sur les interactions au travers des petits ARN interférents entre une plante, le bananier, un virus qui est appelé le banana bunchtop virus et un puceron nommé Pentalonia nigronervosa, responsable de la transmission du virus. Alors tout d'abord, pourquoi le banana bunchtop virus? Eh bien parce que c'est le virus le plus destructeur sur tous les types de cultures de bananiers, que ce soit les bananes à cuire, telles les bananes plantains ou les divers bananes dessert. Et parce que aujourd'hui encore, il n'existe aucun moyen de lutte efficace contre ce virus ou contre son insecte vecteur, le puceron du bananier. Et pourquoi les petits ARN interférents? Eh bien parce que, comme dit précédemment, c'est un mécanisme à la fois impliqué dans la régulation des gènes de l'organisme, mais également c'est un moyen de défense contre les acides nucléiques étrangers, dont les virus. Et chez la plante, c'est le moyen de lutte majoritaire utilisé en réponse à une infection virale. Ainsi, lorsqu'un virus infecte une plante, on observe chez elle une grande production de petits ARN interférents, qui correspondent à des petits fragments d'ARN entre 21 et 24 nucléotides, complémentaires du génome viral, qui vont être dirigés contre celui-ci dans le but d'interférer avec sa réplication et ainsi stopper l'infection virale. Dans le cas de notre virus, qui est un virus à ADN, lorsqu'il infecte un plant de bananier, on observe une grande accumulation de petits ARN interférents dirigés contre ce virus. Et ceux-ci sont majoritairement des classes de 24 nucléotides qui ciblent spécifiquement l'ADN, ce qui entraîne l'arrêt de la transcription des gènes viraux. Mais on observe également des petits ARN de 21 et 22 nucléotides qui, eux, sont impliqués dans la dégradation des ARN messagers viraux, et ça, ce qui permet d'empêcher la synthèse des protéines virales. Nonobstant, le virus arrive quand même à échapper à cette machinerie cellulaire extrêmement efficace au travers de mécanismes encore mal compris, bien que de nombreuses hypothèses se tournent vers son mode de réplication. Il y a donc dans les cellules des plants infectés par notre virus une large production et une large accumulation des petits ARN interférents qui sont dérivés du génome viral, mais malheureusement qui n'aboutissent à aucune guérison de la plante et qui n'empêchent pas le virus de se multiplier. Et donc, un des objectifs majeurs de ma thèse consistera à caractériser les petits ARN produits dans la plante afin de mieux comprendre comment le virus échappe ou réprime ce mécanisme de défense. Mais également d'observer, suite à cette forte accumulation, si le puceron du bananier, lorsqu'il vient se nourrir sur une plante affectée en prélevant de la sève et au passage le virus, si celui-ci n'absorberait pas également des petits ARN interférents dirigés contre le virus. Et dans ce cas, si ceci ne pourrait pas impacter le puceron en induisant des modifications de son comportement. En effet, d'autres équipes de recherche, dont l'équipe de Stéphane Volelouz, de notre équipe de recherche, de notre unité de recherche, ont montré que pour un autre virus de plante, lorsque son insecte vecteur, qui est également un puceron, vient se nourrir sur la plante infectée et qu'il acquiert le virus, son comportement se retrouve modifié. Mais largement modifié, c'est-à-dire que sa durée de vie est multipliée par 10 lorsqu'on le retire de sa source de nourriture, mais également que le vecteur se dirige préférentiellement vers une plante saine plutôt qu'une plante infectée. C'est comme si le virus au final se servait du vecteur afin d'augmenter ses chances de transmission en le zombifiant en sa faveur. Et enfin, si le comportement du puceron est modifié par une absorption donc des petits ARN interférents qui sont initialement dirigés contre le virus, nous essayerons de comprendre comment, par quel mécanisme? Par exemple, est-ce que ces petits ARN cibleraient des gènes du puceron afin de modifier son comportement? Ou est-ce que, différemment, leur présence affecterait les cellules de celui-ci d'une autre manière? Merci de votre attention. Merci beaucoup Valentin Guyot. Vous avez deux auditrices très attentives qui sont très impressionnées par vos travaux. Moi, je suis plus impressionné pour le côté puceron zombie, mais ça, c'est mes tropismes de cinéma de mauvais goût. Florence Cabon, un mot, vous étiez... Je suis admirative et je trouve que c'est un très très joli projet. Et vraiment, je vous souhaite bonne chance et de trouver. Je trouve que cette adaptation du puceron est quand même absolument extraordinaire et... Au-delà de ça, d'ailleurs, trouver comment est-ce qu'un petit ARN interférent peut augmenter la durée de vie d'un insecte, je ne sais pas si c'est un insecte au sens purement classification, le puceron, je ne suis pas spécialiste du genre. Oui, je ne sais pas. Valentin Guyot, c'est pas un insecte le puceron, si c'est quelle classe si, de... Si, c'est un insecte. Okay. En tout cas, je trouve ça extraordinaire de penser que des petits ARN interférents peuvent augmenter la durée de vie d'un insecte d'un facteur 10. C'est... intéressant à savoir. Très bien dans l'autre sens, peut-être, quelquefois. Moi, je trouve ça absolument passionnant, cette écologie du petit ARN interférent. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, bravo. Très, très beau sujet de thèse. Valentin Guyot, vous restez en notre compagnie pour la dernière partie de cette émission. Vous êtes bienvenu pour intervenir, si vous voulez intervenir à un moment donné, puisqu'on va parler des applications maintenant thérapeutiques de ces découvertes autour de l'ARN interférent. J'aimerais tout de même, avant cela, Florence Cabon, hors micro, tout à l'heure, vous me parliez de quelque chose sur le rôle de ces petits ARN interférents à l'intérieur des cellules, notamment chez les mammifères ou en tout cas chez les animaux. Et vous preniez cet exemple que je trouve très parlant de leur rôle, notamment par exemple quand il y a une coupure, de l'organisation finalement de la réponse de la cellules en cas d'urgence. Alors en fait, quand on se blesse, mais c'est un exemple parmi des milliers d'autres, il faut qu'il y ait un certain nombre de protéines qui soient exprimées au bon moment, pendant un certain temps, et puis qu'elles disparaissent, parce que sinon on réparerait nos blessures en continu et ce ne serait pas la solution. Donc la cellule, pour répondre à ce type d'agression, met en place différents mécanismes de régulation au niveau de l'expression des gènes, de la transcription donc, et puis au-delà de ça, au niveau des micro-RNA, les micro-RNA vont permettre de coordonner dans le temps, dans l'espace, l'expression de certaines protéines. Donc c'est une des fonctions aussi qui est intéressante, parce que les micro-RNA peuvent réguler en même temps, par exemple, un micro-RNA peut réguler une famille de protéines qui partagent une certaine homologie de séquence, ce que ne feront pas, par exemple, d'autres facteurs de transcription ou d'autres. Donc c'est un mécanisme parmi d'autres, il y en a évidemment plusieurs dans une cellule. Alors on va s'intéresser, comme je le disais, aux nombreuses applications thérapeutiques qui sont liées à la découverte du fonctionnement de ces mécanismes d'interférence ARN. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où a été présentée au mois de juin dernier une première mondiale en matière d'ARN. Oui, et j'ai rencontré le professeur Adams. Avec son équipe, le professeur Adams de l'hôpital Bicêtre à PHP, de l'INSERM et de l'Université Paris-Sud, ils ont mis en évidence l'efficacité d'un médicament à base d'ARN interférent, le patisiran. Ce médicament a été utilisé pour lutter contre une maladie rare, l'amylose héréditaire. David Adams nous dit pourquoi ils ont fait le choix avec son équipe d'avoir recours aux ARN interférents dans le cadre de cet essai clinique. Mais avant de rentrer dans le détail des recherches de traitement contre l'amylose héréditaire, il nous explique en quoi consiste cette neuropathie. C'est une maladie rare parmi les 7000. Elle est génétique et donc transmissible de parent à enfant et elle est due à des dépôts de substances anormales dans des tissus, essentiellement le système nerveux périphérique et le cœur. Et à l'origine, c'est le foie qui produit une protéine anormale chez ces patients touchés génétiquement. Alors quels sont les symptômes de l'amylose héréditaire et quelles sont les conséquences de cette maladie ? Les conséquences concernent essentiellement le système nerveux périphérique. On parle beaucoup du système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière. C'est tout le reste, c'est-à-dire tout le système de câblage qu'il y a dans les bras et dans les jambes et puis dans le corps pour contrôler d'une part la sensibilité des membres pour se protéger des blessures, pour ressentir les douleurs. Et puis par ailleurs, pour la locomotion, pour se déplacer, pour faire les gestes de la vie courante. Et puis également dans le corps, ça contrôle tous les organes de façon automatique, la digestion, pour aller uriner, etc., etc., la transpiration. Alors, de quel traitement aujourd'hui on dispose pour améliorer le sort des personnes qui sont atteintes de cette pathologie et quels sont les résultats de ces traitements ? Alors, les traitements, jusqu'à 1993, il n'y avait aucun traitement pour cette maladie rare, qui est quand même la plus grave des neuropathies périphériques héréditaire de l'adulte, puisqu'à la fois elle entraîne une perte de l'autonomie complète, et c'est la plus grosse cause de handicap là-dessus, et elle est mortelle en entre 6 et 10 ans après le début des symptômes. Les approches thérapeutiques pour cette maladie rare étaient uniquement après 1993, la transplantation hépatique. Pourquoi ? Vu que le foie est le lieu de production de cette protéine anormale, les Suédois ont eu l'idée de retirer ce foie et le remplacer. C'est le seul défaut, c'est que la seule protéine toxique, c'était de la stopper, et donc on retirait le foie qui était par ailleurs totalement sain. Par la suite, en 2011, il y a eu une protéine qui avait pour objectif de stabiliser la protéine mutée libérée par le foie pour éviter qu'elle se dépose dans les tissus. Et ça a été le premier médicament avec une autorisation de mise sur le marché par l'Agence du médicament en 2011. Et sinon, les limites de ces deux traitements étaient que c'était proposable uniquement à des stades hyper débutants de la maladie. Et dès qu'on était à un stade moyen ou très avancé, il n'y avait aucun traitement possible pour ces patients avec une évolution catastrophique. C'est là qu'entre en jeu votre travail et le pâtisserand. Qu'est-ce que c'est que cette molécule et pourquoi avoir eu l'idée de recourir aux ARN interférents pour s'attaquer à l'amylose héréditaire ? Alors, pour le pâtisserand, on s'est rendu compte que la transplantation hépatique avait été proposée à des patients de tout âge et que malgré ce traitement, alors qu'il marche admirablement chez les sujets jeunes, on a eu un contrôle de la maladie. Dès qu'on proposait à des sujets français âgés de l'affection à 50, 60, 70 ans, malgré la transplantation hépatique, les patients continuaient à s'aggraver et à progresser. Et les travaux qui ont été menés ont permis de se rendre compte que non seulement la protéine mutée se déposait dans les tissus était très délétère, mais également la protéine normale, dite sauvage, qui continuait à s'accumuler et dans les nerfs périphériques et dans le cœur, et si bien que les patients finissaient par mourir d'atteinte cardiaque massive. Donc finalement, l'idée a été de se dire, il faut plus que le blocage de la transthyrétine mutée qu'une transplantation hépatique, il faut également aller bloquer la production de cette protéine sauvage également. Donc ça a été l'idée des ARN interférents qui ont pour but d'aller bloquer la production des deux protéines normales et mutées. Quels sont les effets que vous avez constatés avec l'usage de ces ARN interférents dans le cas de l'amylose héréditaire et quels sont les résultats finalement de vos travaux de recherche ? L'idée c'était d'avoir à bloquer la production d'ARN messagers, de traduction d'ARN messagers au niveau du foie et donc c'était l'idée d'administrer ce médicament dans les cellules du foie hépatique pour diminuer la production de DTR mutés et sauvages dans le sérum et donc ne plus avoir à créer de nouveaux dépôts d'amylose dans les tissus. Donc les premiers essais ont été faits chez des patients malades avec les premières injections de ce médicament innovant dans les années 2010-2011 et avec l'administration par perfusion a permis de diminuer de plus de 80% avec une certaine dose, la protéine circulante dans le sérum. C'était la preuve de concept que ce médicament pouvait agir de façon efficace biologiquement, en sachant qu'il y avait une très bonne sécurité, aucun effet indésirable noté par la suite. Après, il a fallu démontrer que cet effet était durable dans le temps et que ça pouvait modifier l'évolution de la maladie clinique. Dans le cadre d'une phase 2, cette fois-ci, il n'y avait pas de groupe placebo, mais il y avait une trentaine de patients qui recevaient toutes les 3 semaines ce genre de médicaments en perfusion. Au bout de 2 ans, on s'est rendu compte qu'une bonne partie de ces patients ne s'étaient pas du tout aggravés pendant toute cette période d'observation. Après, il y a eu cette fameuse étude de phase 3, qui était une étude contre placebo pour démontrer de façon claire et définitive qu'il faisait beaucoup mieux que le médicament leur placebo, avec une importante étude qui a inclus 225 patients. Et avec 2/3 recevant le médicament actif, le pâtisserand, et 1/3 le placebo. Pendant une période longue de 18 mois, ayant concerné 4 continents et 20 pays. D'une part, cette étude a été positive, c'est-à-dire que par rapport aux critères primaires d'efficacité, qui était un score de neuropathie composite, il y a eu une évolution nettement moindre dans le groupe traité par pâtisserand que par le groupe placebo. Et la grande surprise, c'est que au bout des 18 mois, le score de neuropathie était inférieur au score de départ, montrant qu'il y avait une diminution et donc une amélioration de la neuropathie, ce qui s'était jamais vu jusqu'à présent, qu'il s'agisse avec les deux traitements antérieurs, la transplantation hépatique ou bien les comprimés de tafamidis. Donc, récupération, ce qu'on n'avait jamais observé. Donc revenir en arrière, et avec l'idée peut-être de retrouver un certain nombre de fonctions perdues jusque-là, ce qui était impensable jusqu'à ce jour. Voilà le reportage du jour sur ces toutes premières applications thérapeutiques concrètes, hein, puisque c'est le premier médicament qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, notamment à base d'ARN interférent. Votre réaction à ce reportage, Florence Camon ? Bien, c'est août 2018, le premier médicament à base d'ARN interférent, et pourtant, on a commencé à percevoir le potentiel thérapeutique, comme on le disait tout à l'heure, dès 2001-2002. Il y a eu un enthousiasme absolument fantastique au départ en se disant « ça va être très facile ». Avec beaucoup de laboratoires, de grands laboratoires qui ont investi des sommes considérables dedans. Et puis, je dirais, une phase d'effondrement au bout d'un moment, parce que l'enthousiasme initial s'est confronté aux difficultés habituelles de développement d'un médicament, qui sont finalement ni plus ni moins que ce qu'on rencontre avec des anticorps, avec des petites molécules. L'histoire classique de toutes les nouvelles pistes thérapeutiques, voilà, que vous racontez là. Hein, c'est tout les à fait. Anticorps monoclonaux, tout ça, enfin, c'est à peu près. Avec les mêmes questions, finalement, qui se sont posées sur la spécificité, la façon d'administrer le produit, comment est-ce que on définit la cible thérapeutique, quelle est la meilleure pathologie, etc. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux. Je dois dire que c'est une très grande satisfaction de voir cette première molécule sur le marché, parce que c'est la première preuve de concept. Et du coup, des gens qui avaient un peu enterré rapidement peut-être l'ARN interférence commencent à se dire que oui, on tient le bon bout d'une certaine façon. Annie-Carrel Bélan, sur ce reportage. Oui, tout à fait. J'abonde complètement dans le sens de ce que vient de dire Florence. Parce que c'est vrai que l'ARN interférence, début des années 2000, avec toute cette puissance de l'outil, où on peut cibler un oncogène, par exemple. Hein, on a montré qu'on pouvait... dans les cellules cancéreuses, il y a donc des gènes qui sont exprimés, qui créent le cancer, on va dire. Et cela, parfois, ne diffère que par une lettre du normal. Eh bien, on peut cibler, avec un ARN interférent, spécifiquement celui qui diffère par une lettre. Et donc, spécifiquement, on va cibler la cellule cancéreuse. Donc, ça a été un espoir absolument extraordinaire. Et c'est vrai que, dans la pratique, le diable étant dans le détail, comme toujours, les choses ne se sont pas passées aussi vite. Alors, et aussi qu'on l'aurait pensé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que ces promesses-là n'ont pas été tenues dans la mesure de ce qu'elles laissaient espérer aux chercheurs ? C'est les problèmes classiques, je pense, de toute nouvelle thérapie. C'est-à-dire qu'il faut atteindre sa cible, il faut que le produit reste assez longtemps dans le corps, il faut qu'il aille au bon endroit, il faut qu'il atteigne la cellule cible. Dans le cas de l'ARN interférent en plus, il faut qu'il rentre dans la cellule cible. Donc tous ces problèmes-là font que... Il faut que les outils qu'on utilise pour administrer ce produit ne soient pas toxiques. Et dans l'histoire du pâtissiran, on a une très belle histoire avec ça, parce qu'il y a eu des outils qu'on appelle de vectorisation, qui sont en quelque sorte des emballages, des siRNA qui sont utilisés par beaucoup de sociétés, qui, les premiers outils, étaient efficaces, sauf qu'on s'est aperçu que quand on les administrait chez les patients, on avait des réactions de type, alors qu'on appelle des réactions de type grippal, mais c'est une façon de parler, mais des réactions inflammatoires très violentes qui faisaient qu'ils n'étaient pas utilisables. Donc, il a fallu revenir en arrière, développer des outils de plus en plus puissants, et sur l'histoire du pâtissiran, les différentes versions d'outils de vectorisation ont permis de multiplier par 1000 l'efficacité des siRNA. Donc, il y a différentes approches. Maintenant, on connaît, il y a eu 56 essais cliniques à ce jour qui ont été réalisés avec des siRNA, dont 26 séquences différentes de siRNA. Chaque développement clinique a sa propre spécificité, parce que si on veut inhiber, comme avec le pâtissiran, un gène codant qui est exprimé dans une maladie héréditaire et qu'il faut traiter donc le patient toute sa vie, on n'est pas dans la même situation que dans un cancer où on va avoir besoin de traiter pendant un temps finalement relativement limité malgré tout. Donc chaque développement clinique a sa propre histoire, avec des obstacles qui sont, comme encore une fois, des obstacles classiques. Et avec, comme tous les médicaments innovants, je le disais, aujourd'hui un coût extraordinairement extrêmement élevés. On parle de 450 000 dollars par an par patient. Alors, comme toujours, hein, c'est l'élevé au début et puis normalement, on devrait réussir à réduire le coût de fabrication et donc réduire le coût du médicament. C'est tout à fait évident. Après, on a aussi le problème de la définition de ce qu'est le prix d'un médicament. Et ça, on peut en parler beaucoup aux États-Unis et en Europe. On n'est peut-être pas non plus tout à fait sur les mêmes règles. Mais c'est évident qu'il y a un coût, comme toujours, avec une difficulté également, qui est que quand vous avez une technologie de rupture, pour la financer, c'est pas simple. Parce que tout le monde parle de l'innovation, mais le fait est que financer les premiers programmes cliniques quand on n'a aucune preuve de concept, c'est un risque énorme. C'est difficile de les financer. Et donc le pâtissier, vous pensez que la porte vient de se réentrouvrir et que tout le monde va s'engouffrer dans la brèche? Ils ont choisi, je dirais, c'est la société Alnylam qui a développé ce produit. Ils ont choisi une cible pour laquelle la preuve de concept est très forte. Elle est marquante, c'est une maladie rare, donc on a aussi des possibilités d'aller plus vite dans le développement clinique, plus vite sur le marché, d'atteindre facilement les malades parce qu'ils sont en général fédérés dans des associations de malades, etc. C'est la porte ouverte ensuite, évidemment, à d'autres pathologies. Et il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont très avancés aujourd'hui. Aujourd'hui, alors justement, parlons-en. On attend beaucoup, on a beaucoup dit que la RNI allait ouvrir justement des nouvelles portes, ou des nouvelles fenêtres, pour le dire plus exactement, thérapeutiques dans la lutte contre le cancer. Pourquoi? Quel type de cancer? Des cancers précis? Et selon quel type de mécanisme, Florence Cabon? Alors, un des gros avantages des siRNA, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on n'a pas besoin de connaître la fonction de la protéine pour lequel l'ARN messager code, ni la localisation de la protéine. Or, on a identifié dans le cancer et dans d'autres pathologies énormément de gènes qui sont impliqués dans une maladie, mais qui codent pour une protéine, par exemple un facteur de transcription qui reste dans le noyau. Les anticorps n'y vont pas, les petites molécules n'y vont pas. Donc on sait que ce gène est très important, cette protéine est responsable du cancer, mais on ne sait pas l'utiliser. Donc c'est pas tellement la pathologie qui est importante que la localisation de la cible, enfin quelle est la cible. La société dans laquelle je travaille, dans laquelle je suis directeur scientifique, nous avons une première cible, par exemple, qui est dans les cancers de la prostate, où on cible le récepteur de la testostérone, dont on connaît déjà très très bien le fonctionnement et le rôle important. On ne peut pas aujourd'hui l'atteindre directement avec des petites molécules ou avec des anticorps. Donc c'est un outil de plus. Annick a dit tout à l'heure, on peut avoir des protéines qui sont mutées spécifiquement dans le cancer, on peut cibler ces mutations, ce qu'on peut difficilement faire avec d'autres types d'outils. Donc c'est un outil de plus. Il ne faut pas non plus dire, voilà, l'ARN interférence va remplacer tout. Maintenant, on a un enthousiasme sur CRISPR-Cas9 parce que c'est nouveau. Voilà. Et on a aussi, on commence à en revenir un peu. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de off-target, que ce n'était pas si précis que ça. On voit que ce n'est pas si simple. Il faudra des années. Oui, on va peut-être dire quand même un mot aussi de CRISPR-Cas9, qui se trouve être quand même le mécanisme d'ARN interférence de la bactérie, en quelque sorte. Hein. Donc c'est quand même pas. Et encore un bel exemple. D'ailleurs, de recherche non finalisée qui aboutit à des applications. Voilà. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'avec Annick, on partage depuis de nombreuses années. La recherche fondamentale si on veut avoir des applications auxquelles on ne peut pas imaginer qu'on va arriver. On a parlé. Vous vous rendez compte du pétunia bleu à l'amylose héréditaire, le chemin le pétunia bleu, le pétunia, on peut imaginer qu'il y a quand même une application économique, ça se vend, etc. Mais le vert, c'est l'élégance. Ouais. Qui s'y intéresse. On ne redira jamais assez l'importance, et encore une fois, on l'a beaucoup dit à ce micro, donc redisons-le avec force, l'importance du financement de la recherche fondamentale, et on sait que c'est parfois un problème dans la répartition justement des projets de recherche et du financement des projets de recherche. On a parlé des mécanismes de l'ARN interférent en oncologie. On le disait, vous le disiez tout à l'heure, Florence Cabon, au départ, et chez la plante, l'ARN interférent sert à éviter justement la transcription des protéines virales, à lutter contre les virus. Évidemment, il y a un virus auquel on pense beaucoup, un rétrovirus, c'est le VIH. Il y a des pistes thérapeutiques intéressantes dans l'utilisation de l'ARN interférent. À ma connaissance, il n'y a pas d'essais cliniques aujourd'hui sur cette cible-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur Ebola. Mm-hmm. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment concluant. C'était assez controversé. Il y a l'hépatite C, sur lequel il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Donc, il y a plusieurs pistes qui sont poursuivies. Maintenant, savoir quelles sont celles qui aboutiront en premier ou qui aboutiront tout court, c'est difficile à dire. dire. Mais c'est clair que la démarche intellectuelle qui est faite en plus sur le développement d'un antiviral, par exemple, va être utilisée et utilisable pour d'autres types de maladies, parce que la façon d'administrer le produit, la cinétique qu'on va apprendre, les méthodes de synthèse sont les mêmes. On a énormément progressé aussi sur la synthèse des siRNA. Vous parliez du coût. C'est complètement évident qu'entre les premiers ARN interférents que nous avons commandés avec Annick dans son laboratoire, parce que nous étions ensemble, où c'était des coûts astronomiques pour avoir quelques nanogrammes de siRNA, on payait 1500 euros. Aujourd'hui, je veux dire, tous les laboratoires de recherche, on a besoin d'un ARN interférent, ça coûte 150 euros, 110 euros. Voilà, et personne ne se dit, oh là là, mais dans quoi je me lance ? Et donc, ce qui était vrai à petite échelle est encore plus vrai à grande échelle. Maintenant, il y a des laboratoires qui se mettent sur ce marché, et c'est très important. Annick-Carrel Bellan. Je voudrais revenir un peu sur le cancer très rapidement, parce qu'il n'y a pas seulement l'ARN interférence en matière de cancer. Comme on l'a dit tout à l'heure, les petits ARN naturels, en fait, participent beaucoup au contrôle de la prolifération de la différenciation et peuvent être aussi des cibles eux-mêmes. Donc, les petits ARN de la cellule cancéreuse peuvent être des cibles parce qu'ils sont aussi acteurs dans l'établissement d'un cancer. Et il y a des techniques aussi pour ça, pour inhiber spécifiquement les petits ARN. Petit ARN. D'accord. Voilà, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Puis peut-être aussi un autre mot, parce que là, il y a plus le moins, en tout cas, le problème de l'accès. Il y a une pathologie dans laquelle l'ARN interférent aussi a vraisemblablement peut-être de l'avenir, c'est la DMLA. Florence Cavon. Alors, il y a eu des essais cliniques qui ont été tout à fait concluants sur la DMLA. Après, il y a un positionnement financier, je dirais. Ça a été développé. Les essais ont été jusqu'en phase 3. La molécule fonctionne très bien. Mais on a des solutions thérapeutiques qui sont très puissantes aussi pour la DMLA, notamment des anticorps contre le VEGF qui sont utilisés en clinique, qui sont autorisés. Le VEGF. Donc, le VEGF, c'est le vascular endothelial growth factor. C'est un des facteurs majeurs de la fabrication des nouveaux vaisseaux, qui est le problème de vaisseaux en trop dans la DMLA. Donc, il y a ces outils qui sont déjà disponibles. Après, c'est une question de positionnement de molécules l'une par rapport à l'autre. Mais ça a effectivement fait une preuve de concept, parce qu'on pouvait obtenir facilement, en injectant les siRNA dans l'œil, on pouvait facilement obtenir une concentration importante et une efficacité biologique. Donc, c'était les tout premiers essais cliniques ont été faits sur la DMLA à cause de ça. Donc, on attend dans les mois, dans les années à venir, justement, d'autres médicaments, vraisemblablement, d'autres applications concrètes en oncologie, puisque comme le disait Florence Cabon, il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours, qui devraient aboutir à des mises sur le marché prochainement. Annick-Carrel Bellan, pour conclure. Dans les années à venir, je dirais, oui, probablement. Et je rajouterais quand même aussi qu'il y a aussi tout le reste du génome non codant qui pourra être aussi ciblé et qui pourra aussi probablement jouer un rôle dans les thérapies futures. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de ces ARN interférents. Merci beaucoup à Annick-Carrel Bellan, merci à Florence Cabon, merci également à Valentin Guyot qui était avec nous en duplex depuis les locaux de nos camarades de France Bleu Héros à Montpellier. Un mot pour vous dire qu'il ne vous reste, il ne reste plus que quelques places libres gratuitement pour le forum L'année vue par les savoirs mardi prochain, le 19 février, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le deuxième forum de l'année, avec tous les producteurs, enfin, une partie, peut-être pas tout, on serait trop nombreux, des producteurs de France Culture, Adèle Van Rett, Emmanuel Laurentin, Tiffaine de Roquigny et moi-même, pour parler du nouvel âge de la politique dans cette grande journée dans le forum, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Nous serons de 11h à midi pour parler des algorithmes et de savoir s'ils sont plutôt un péril ou au contraire une aubaine pour le renouvellement de nos démocraties. Merci à toute l'équipe. Ah oui, il faut vous inscrire, on vous met le lien comme toujours sur le fil Twitter de l'émission. Il faut vous inscrire, c'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur maisondelaradio.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Éléonore Pérez, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Villefranc, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain, puisqu'il paraît que Valentin était le saint patron des amoureux, nous allons prendre un malin plaisir à disséquer l'amour sur une table d'opération. Nous vous parlerons du cœur, cet organe vital, de son histoire, de sa compréhension, jusqu'à la création du cœur artificiel. Ça va saigner demain à 16h. Jusqu'à preuve du contraire.